Psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, et la maison de Jacob d'avec le peuple barbare, Juda devint une chose sacrée à Dieu, et Israël son empire. La mer le vit, et s'enfuit, le Jourdain s'en retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des moutons, et les coteaux comme des agneaux. Ô mer, qu'avais-tu pour t'enfuir, et toi, Jourdain, pour retourner en arrière? Et vous, montagnes, que vous ayez sauté comme des moutons, et vous, coteaux, comme des agneaux? Ô terre, tremble pour la présence du Seigneur, pour la présence du Dieu de Jacob, qui a changé le rocher en un étang d'eau, et la pierre très dure en une source d'eau.